quand la lame rencontre la chair. Quand moi-même je vois ma mère, y'a toujours un petit fait. Pas preuve du contraire, pareil avec le commissaire. Dans ces locaux y'a rien à faire, la faiblesse une qualité. Pour rester intègre, mais fais pas le con, car elle te perdra. C'est écrit de ci de là, je suis juste un être humain. Alhamdoulilah, ça me rend un peu trop sentimental. C'est tout envers une jolie femme. Mais s'il y en a un qui chicane, je deviens un peu plus brutal. La rade marée à l'horizon, que va devenir ma maison. Vas-y, souffre petit typhon, rappelle-nous qui est le patron. Même fort comme un turc, vend un flingue tout de suite. Si tu finis KO, si tu fais pas du jitsu, payons. Je m'affaiblis lorsque mon regard croise les yeux de ma mère. J'étais toute la journée avec cet enfoiré de hache. Il m'a présenté sa maîtresse, mademoiselle la bière. Enchanté, qui es-tu? Je suis la reine de Bel Air. Je passe une soirée avec les jeunes du quartier, accompagné de 6 ou 12 copines. Mets de côté tous tes soucis, sortez vos plus beaux sourires. Ce soir c'est la fête, de toute façon monsieur H est là pour te retourner la tête. Faiblesse et tentation, une chose est sûre, si je suis punaise. Encore plus malhonnête quand j'affirme à ma mère que c'est juste la fatigue, puis je me dis que c'est dramatique. Mais malheureusement, comme tout homme, j'ai moi aussi ma faiblesse. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, si je craque c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, je craque, c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. La faiblesse nous ronge dans la vie comme dans les songes. Elle pousse l'homme à mentir, trahir, dire des mensonges. Difficile de faire sa rédemption avec la tentation. Attention, face à elle, la résistance n'est qu'illusion. La faiblesse nous laisse la patte pour une pétasse à quatre pattes. Un coup de tête envoyé pour rien, faible mon pote c'est bête. Parfois faible dans les actes, mais fort dans le caractère. La société nous rend accro à de la merde, c'est ça qui nous perd. Jette à nos biens maintenant, même plus en zoom zoom. La faiblesse fait que certains sont prêts à tout pour pas un sou. Comme dire je t'aime pour une pétoune, déconne pas ta veste, t'abandonne pas tes potes pour une chatoune. Nos forces et nos faiblesses font nous ce que nous sommes, des hommes avec des qualités, des défauts, des vérités. Mais plus de fautes, je suis faible comme les fondations d'une maison haïtienne. La terre tourne et je tourne avec elle. Mes faiblesses deviennent vraiment démentielles. Faible face à un morceau de flemme, je fume deux fois plus qu'une cheminée norvégienne. Je peine à les dissoudre, je l'aime dans un Lidenken. Si elle me rendait plus fort, la rapta serait un sport, j'aurais la médaille d'or. Je suis faible comme le mental d'un suicidaire. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, si je craque c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, si je craque c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. Je suis faible, car je fume, je bois, je ne sais pas ce que je veux, si ce n'est ce que je vois. Je suis faible, parce que tenté par le mal, me doit de pousser la réflexion avant d'agir ou parler mal. Obligation d'être honnête, mes couplets c'est chose faite. Ça m'arrivait de taper le bordel pour une paire de chaussettes. Je suis faible et instable, parfois immature, légèrement borné, colérique, c'est dans ma nature. Mauvaise conscience ou manque de confiance, chacun sa mauvaise période où la vie en perd son sens. Combien de fois j'ai fait de l'argent par le parjure, moi qui devrais faire mes 5 prières par jour. Moi qui me laisse aller, me laisse porter par les allées. Moi qui m'étais juré que j'étais paré à toute éventualité. Mais apparemment changer n'est pas d'actualité. Entre désobéissance et culpabilité, tout ce que je devais faire hier, je le repousse à demain. J'ai passé quelques années sans chercher de radma. En éveil avec la lune plutôt que le soleil. Peur de l'avenir, je ne le regarde que d'un seul œil. J'ai fait pleurer plus d'une fois la femme qui m'a allaité. Qui cesse d'être mon ami ne l'a jamais été. Au nom de tout ce que pour te sembler ses inconvénients, qui m'a rendu plus fort mais aussi un peu feignant. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, si je craque c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. Faible, comme tout homme je suis faible. J'ai ma part de force et de faiblesse. Faible, si je craque c'est mon enfant claque. Si je refuse la révolte, c'est normal que mon cœur plaque. Qu'on soit fort ou faible, ça fait partie de l'humanité. Qu'on soit faible ou fort, ça fait partie de nos qualités. Qu'on soit fort ou faible, ça fait partie de l'humanité. Qu'on soit faible ou fort, ça fait partie de nos qualités. Qu'on soit fort ou faible, ça fait partie de l'humanité. Qu'on soit faible ou fort, ça fait partie de nos qualités. Qu'on soit fort ou faible, ça fait partie de l'humanité. Qu'on soit faible ou fort, ça fait partie de nos qualités.